Madame, le nouveau code civil procède autant du droit révolutionnaire que du droit ancien et du droit romain. Premier épisode, la parenté depuis Rome. Un vétéran de la Grande Armée écrit à Napoléon. Seul, isolé au fond d'une petite retraite rurale, l'hiver paraît bien long. Agathe Guitté, âgée de 20 ans, brune piquante, sœur de père seulement de feu Anne Guitté, mon épouse, vint me consoler et prodiguer ses soins à un enfant que m'a laissé ma femme. Le diable est bien malin. Pardon, sire. Un soldat, une jeune fille. Les prêtres, les mères disent que l'article 162 du Code Napoléon s'oppose à notre mariage. Mais les bons enfants, les braves disent que vous êtes le père de vos vieux soldats. Et que l'article 164 du même code permet, si votre majesté y consent, que j'épouse Agathe, mon amie. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Donc la correspondance d'un grognard à l'empereur, puisée à la page 608 du maître livre de Laurent Barry, notre invité, qui s'intitule La parentèle. Bonjour Laurent Barry. Bonjour. Anthropologue. S'il y a une définition à donner à la parenté, on entend ici un vétéran de la Grande Armée expliquer que sa belle-sœur, au fond, n'en fait pas partie. Elle n'est pas semblable à lui, bien qu'elle soit sa belle-sœur. S'il y a une définition de la parenté, c'est le tri entre ceux qui sont semblables et ceux qui ne le sont pas. Oui, tout à fait. Le tri entre ceux qui sont les nôtres et ceux qui sont les autres, d'une certaine façon, simplement cette définition des limites de la parenté va être variable en fonction des époques et va inclure ou non certaines institutions. Celle dont vous parlez à l'instant, c'est celle donc de l'affinité, donc des parents par alliance. Et en effet, aux périodes plus anciennes, à l'époque chrétienne, les parents par alliance étaient inclus dans la sphère de la parenté. Par contre, à partir de épisode révolutionnaire, ils vont commencer à en être exclus. Mais on va remonter encore plus loin dans le temps, selon notre devise, avançons vers l'arrière. Et commencer avec la période romaine. Et en entendant d'ailleurs un témoignage d'un historien qui va discuter avec une anthropologue. L'historien, c'est Paul Veyne. Qu'est-ce qu'un historien et un anthropologue peuvent avoir à se dire? Vous faites-vous des séminaires où les deux disciplines sont présentes? Oui, puisque je pense que sur cette thématique de la parenté, en effet, et de la famille d'une façon générale, histoire et anthropologie ont des chemins qui se croisent en permanence, et qu'il est nécessaire de prendre, de considérer les matériaux ethnographiques comme des matériaux historiques, et de considérer les matériaux historiques comme des matériaux ethnographiques. C'est la raison pour laquelle donc je conduis actuellement avec un certain de mes collègues, Michael Gasperoni, Claire Châtelain et Isabelle Dayan. Je conduis un séminaire collectif pluridisciplinaire à l'École des hautes études sur ces questions d'histoire et d'anthropologie de la parenté. Et en fait, ce séminaire reprend plus ou moins une idée qui avait été lancée à l'époque par Françoise Héritier, Gérard Delisle, Yann Thomas, et auquel j'avais participé, qui était justement cette rencontre d'historiens et d'anthropologues sur ce thème. Alors, Françoise Héritier, l'anthropologue, on va l'entendre dans un instant, en discussion avec l'historien que j'ai déjà cité, Paul Veyne. Ils sont remontés dans le temps jusqu'à l'époque de la République romaine. On les entend. Une des choses les plus intéressantes pour moi à la lecture de ce qui se passe à Rome, c'est qu'il n'y a pas de voix du sang, c'est ce que vous dites. Oui, oui, oui. Ce qui compte, c'est la voix du nom. Oui, oui. Or, en fait, il m'apparaît à vous lire que, notamment dans ces grandes familles aristocratiques romaines, les enfants, pour l'essentiel, ce n'étaient pas les enfants du père de famille, ou tout au moins qu'on peut retracer des lignes de filiation qui passent par l'affranchissement. Oui. Et contre et l'adoption. Oui. Et donc que nous allons avoir dans ces grandes familles romaines des sénateurs qui portent le nom de famille d'une grande famille, mais qui ont été des esclaves affranchis. Ah oui, à la troisième génération. À la troisième génération. Ça, c'est une chose tout à fait courante. Un grand seigneur, par exemple, affranchit un de ses esclaves. Cet esclave affranchi épouse en juste noce une citoyenne et a un fils qui appartiendra à la petite noblesse, qu'on appelait les chevaliers. Le fils de ce chevalier sera sénateur. C'est-à-dire que c'est en passant par l'esclavage que la classe dominante se reproduit. Et par ailleurs, le père de famille n'est pas obligé d'accepter tous les enfants qui lui naissent de son épouse. Ah non, on a le droit absolu. Il soulève, et ceux qu'il prend, il les garde, les autres sont exposés. Les autres sont exposés, abandonnés. Oui. Donc moi j'ai cru comprendre à vous lire, en regardant également le peu de statistiques que vous pouvez faire apparaître, qu'on pourrait faire une étude de cette société romaine comme une étude de transition, où encore une fois la filiation directe n'a pas l'importance que nous lui accordons dans notre société à l'heure actuelle. La filiation, c'est la filiation par la volonté, par l'adoption, par la dénomination, par la dation du nom, par le nom si vous voulez, mais pas par le sang. Pas grand-chose de biologique là-dedans, Laurent Barry. En effet, c'est toujours délicat de parler après des auteurs comme Paul Venn ou François Héritier. Mais en effet, bien entendu, la parenté romaine, ce qu'a aussi magistralement montré Philippe Moreau dans un ouvrage récent, ne dépend pas du tout d'une conception biologique à aucun moment. Tout au plus, Philippe Moreau, dans après une recension de la littérature de l'ensemble de la littérature romaine, trouve deux auteurs qui vaguement nous parleraient de choses qui ont à voir avec le corps. La conception en fait de romaine de la parenté est une conception d'élection, comme le dit Paul Venn. On fait des enfants. Nous actuellement, on a plutôt tendance à se faire des parents d'une certaine façon, et les Romains ont plutôt tendance à se faire des enfants. Ensuite, elle est une question également juridique, c'est-à-dire elle répond à des rôles sociaux particuliers qu'il ne faut pas confondre les uns avec les autres, d'où justement la spécificité de la conception romaine sur la prohibition de l'inceste. Alors la prohibition de l'inceste, un des travaux que vous citiez de Philippe Moreau, l'inceste à Rome. Il y a tout de même des interdits, et jusqu'où vont-ils? Quelles limites connaissent-ils? Peuvent-elles être déplacées, ces limites? On vous a fait découvrir, quand vous avez préparé cette émission, Laurent Barry, une série télévisée que nous utilisons souvent, Moi, Claude Empereur. C'est pas mal fait, hein? Ah, c'est magnifiquement fait. Je la connaissais pas. Je vous remercie pour cette découverte, tout à fait heureuse. Donc, nous sommes au milieu du premier siècle. Le successeur d'Auguste et de Tibère est là, confronté à la vie de ses conseillers, parce que se pose pour lui la question d'un nouveau mariage. Il en a connu pas mal, hein, notamment avec Messaline. Alors, Messaline, elle l'a même défié en épousant son amant, un consul. Paul Venn dirait que c'était une affaire très romanesque. Alors là, on est dans le calcul. Ce qu'Auguste pouvait faire de mieux, c'était de forcer les chefs de famille à marier les jeunes gens avant que ceux-ci se rendissent compte de ce qu'ils faisaient. Il donnait le bon exemple en fiançant et en mariant les siens dès que faire se pouvait. Si étrange que cela puisse paraître, il était arrière-grand-père à 54 ans, trisaïeul, avant 73. Julie eut une petite fille en âge de se marier alors qu'elle pouvait encore avoir des enfants elle-même. Les générations se chevauchaient, les adoptions étaient fréquentes. Dans la famille impériale, qui commençait à se mettre au-dessus des lois, on se mariait à un degré de parenté plus rapproché que ne le permettait réellement la coutume religieuse. Si tu le permets, César, nous allons de nouveau soulever la question de ton remariage. Tes enfants ont besoin d'une mère. Et Rome aussi a besoin d'une mère. Un empereur ne doit pas rester seul. Ton oncle Tibère a vécu seul trop longtemps, cela finit par affecter son esprit. Et fais-nous confiance, ce n'est pas parce que tes trois premiers mariages se sont achevés en tragédie que ton quatrième ne puisse pas être un triomphe. J'ai... Je m'apprêtais à te dire, César, que ce matin, il m'est venu un nom avec toute la force d'une révélation divine. Cet élu des dieux a toujours vécu auprès de nous, si près à la vérité que nous ne la remarquions pas. J'ai plaisir à te dire qu'il s'agit d'Agrippine la Jeune. Comment ? Agrippine la Jeune ? Tu perds l'esprit. Tu oublies que c'est sa nièce. Leur union serait incestueuse. Jamais le Sénat ne l'autorisera. Il y a une centaine d'années, il était illégal de se marier entre cousins. Aujourd'hui, c'est courant. Si nous le présentons au Sénat, il acceptera. Alors, César, elle est en tout point remarquable. César, un oncle ne doit pas épouser sa nièce. L'union sera incestueuse et les dieux ne peuvent pas tolérer l'inceste. Cela n'apportera que ruine et désastre, surtout Rome. Alors dans le tri entre les semblables avec qui on ne peut pas s'unir et les autres, il ne reste plus beaucoup de semblables si on peut, quand on est oncle, épouser sa nièce. Il en reste plus finalement qu'actuellement, puisqu'actuellement les prohibitions matrimoniales sont plus restreintes que celles que connaissait l'Empire romain dans les premiers siècles. Mais la réalité, c'est que les interdits d'alliance et donc la conception d'une certaine façon de la des limites de la famille dans l'Empire romain étaient très strictes. Ils étaient peu nombreux, malgré tout un inceste était puni de mort. C'était pas une sanction légère. Il faut pas croire du tout que les Romains voilà étaient indifférents à la question de l'inceste. Par contre, ils avaient toujours conservé à partir à peu près du 3e siècle avant notre ère, ils avaient défini ces limites qui étaient celles des cousins germains, donc de ce qu'on considère comme nos cousins actuellement. Et en deçà, ça devenait totalement incestueux. Alors Paul Venn, je reviens à lui, on va pas arriver tout de suite au 3e, mais s'arrêter encore un moment au 1er siècle, à l'époque des juristes classiques. Paul Venn, qui est assez abrupt dans ses jugements, dit... À l'époque de Claude, sinon chez Claude, du moins dans les familles de l'aristocratie de service qui travaillaient pour lui, se met en place une nouvelle conjugalité, les aristocrates devant obéir à l'empereur, sachant qu'ils ne peuvent plus commander comme avant, décident de se faire obéir par l'amour. Tout à fait, et là-dessus, je pense qu'on peut amplement suivre Paul Venn. Il y a véritablement... Alors, pour les causes... ça se discute, pour les conséquences, c'est certain. Il y a, à partir du 1er et du 2e siècle, un changement, peut-être influencé aussi par le stoïcisme, un changement dans les conceptions du couple qui fait qu'on voit vraiment naître ce couple en tant qu'entité sui generis. On commence à inviter, d'ailleurs, le mari et la femme, ce qui se faisait pas autrefois, on commence à les inviter en commun aux réceptions. Ils quittent le foyer des ancêtres pour s'installer à leur propre domicile. On commence à restreindre la sexualité au mariage, alors qu'auparavant, bon, en tout cas pour un garçon, c'était la cérémonie de la remise de la toge virile à 14 ans qui permettait en fait les rapports sexuels, donc totalement indépendamment du mariage, etc. Donc on a vraiment l'invention d'une conjugalité et on considère le couple comme un tout, au point que, par exemple, la nouvelle épouse d'un père deviendra une mère. Et on peut plus dire d'un ménage qu'il fonctionne mal. Enfin, le ménage ne le laisse pas dire, en tout cas. Alors, Paul Venn, je dis, il est radical. Ils ont conclu, on croit que cette conjugalité, ça date du christianisme. Eh bien, ajoute-t-il, la question est vite tranchée. Toutes les transformations de la sexualité et de la conjugalité, écoutez bien, sont antérieures au christianisme. Il va finir d'ailleurs par faire partager son point de vue à son ami Michel Foucault aussi. Disons qu'en tout cas, on a une amorce, avant le christianisme, on a véritablement une amorce de ce que va devenir la conjugalité, puisque c'est la conception de la famille au 1er et 2e siècle qui va directement influencer le modèle chrétien au 4e siècle. Par contre, les concepts seront autres. On a le couple dans le cas de la période impériale, pré-chrétienne, et on va avoir une conception du couple fondée sur la Genèse, sur un extrait de la Genèse et sur le concept de l'una caro, qui va remplacer simplement cette simple idée de couple juridique. Pardon, votre honneur. Genèse 2. L'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme et ils deviennent une seule chair. C'est ce que vous disiez tout à l'heure en latin. Une seule chair. Absolument. En fait, bon, ça c'est en tout cas une hypothèse que je défends. Il me semble que les chrétiens à Rome, pour s'inscrire justement dans cette réforme qui avait eu lieu finalement deux siècles plus tôt, et dans laquelle ils se lovent, dans laquelle ils se lovent, ont choisi parmi les textes bibliques celui qui s'adaptait le mieux à ce changement romain de l'amour conjugal d'une certaine façon. Vous dites qu'ils auraient pu en choisir d'autres. Ils auraient dû en choisir d'autres puisqu'en fait il y avait un manuel clé en main dans le Pentateuque qui était disponible, c'était le Lévitique. Le Lévitique, c'est ce qui réglait normalement les questions de mariage et d'interdit. Ça disait tout un tas de choses, mais ça avait une acception beaucoup plus orientale d'une certaine façon, beaucoup plus patrilinéaire, c'est-à-dire en mettant un accent sur les lignées paternelles, ce qui ne correspondait pas au modèle romain. Donc, plutôt que de choisir ces textes-là qui, pour le monde juif, a continué à réguler les alliances, ils vont choisir ce texte de la Genèse qui correspond bien à l'idée de couple, finalement. Sauf que ça aura des conséquences qu'ils n'attendaient certainement pas. Alors oui, parce que c'est susceptible, cette idée d'une même chair, quand on s'unit sexuellement, de conséquences infinies. Écoutez bien. Si le mari et la femme ne sont plus deux, mais une seule chair, l'épouse d'un fils n'est pas différente d'une fille, et l'époux est devenu parent des parents de l'épouse, tout est consanguinisé. Absolument. C'est la raison sans doute pour laquelle, alors que dans le monde romain ancien, les alliés n'étaient pas véritablement perçus comme étant des parents. Au contraire, les alliés vont devenir des parents pour le monde chrétien, parce que si j'ai une relation sexuelle avec avec mon épouse, elle devient comme moi, je deviens comme elle, et dans ces cas-là, bah, sa famille devient ma famille. Si quelqu'un couche avec une femme qui dort avec un autre homme, qui dort avec une autre femme, qui dort avec moi, alors ma chair est inextricablement liée avec celle du premier homme. Ça, ce sont des motifs de plaisanterie qu'on tire de cette loi complexe. Alors, motif de plaisanterie, certes, mais en fait, le monde chrétien oriental va retenir cette plaisanterie, puisqu'ils vont élargir les interdits dans l'affinité à des alliés d'alliés, ce qu'on appelle des alliés d'alliés, donc à des belles familles de belles familles, là où, par contre, le monde chrétien occidental va se montrer plus mesuré. Jusqu'à la réforme de Gratien, on évoquera un peu les questions de transmission de la parenté dans l'affinité à d'autres familles, mais c'est surtout dans l'affinité directe qu'on va placer la belle famille. Si vous Alors, les textes de Gratien, c'est le 12e siècle, mais je voudrais, parce que vous prenez toujours un siècle d'avance, Laurent Barry, je voudrais qu'on s'arrête au 11e, celui qu'on appelle le siècle de la réforme grégorienne, parce que cet embrouillamini nécessite la puissance de vision de l'Église pour pouvoir être contrôlée. Alors l'Église, pendant ce qu'on appelle encore la réforme grégorienne, essaye de s'immiscer dans tous les domaines, établissement de la paix de Dieu et la trêve de Dieu, éviter un certain nombre de guerres selon les jours, institutionnalisant le sacrement de mariage, qui n'était pas jusque-là un sacrement. Et c'est l'Église qui va décider du degré d'alliance, permis et interdit. Alors, un de mes confrères, un anthropologue britannique qui s'appelle Jacques Goody, a soutenu cette thèse, selon laquelle il y avait une visée consciente de l'Église d'élargir les interdits pour notamment capter les héritages, en fait, donc pour s'enrichir à bon compte. Je ne suis pas tout à fait en accord avec cette thèse, tout simplement parce qu'on voit très bien que vers le 9e siècle, le changement véritablement du nombre de degrés d'interdits, notamment dans la consanguinité, dépend plus tout simplement d'une réflexion un peu particulière de l'Église liée à la présence de populations germaniques. Globalement, l'Église, à un moment, a repris un extrait du Lévitique, justement, qui disait « tu ne dois pas découvrir la nudité de ta parente ». Et ils ont considéré que le mariage, donc, ne devait pas avoir lieu dans la parenté. Et quelles étaient les limites de cette parenté, c'est ce qu'il fallait définir. Ils ont repris donc une conception romaine qui désignait comme successeur possible tous les parents jusqu'au 7e degré civil. Jusqu'au 7e degré voilà. Civil. 7e degré civil, ce qui n'est pas très loin en fait dans la parenté. Et ils ont repris ça comme les limites de la parenté. Simplement ensuite, ils ont adopté une façon de compter des populations germaniques. Et cette façon de compter doublait en fait le nombre, si vous voulez, le 7e degré canon ou germanique va doubler. Va revenir au 14e degré civil. Donc c'est simplement un artifice de compute qui a étendu ces interdits. Pour trouver cette épingle dans les chevaux, il faut, je répète, la puissance de vision de l'Église. Regardez le pouvoir que ça lui donne, par exemple, sur les rois et sur les princes. Georges Duby, qui n'est pas loin de partager le point de vue que vous citiez de Jacques Goody, commente ainsi un mariage dans la deuxième moitié du 11e siècle entre un roi qui a longtemps régné sur le domaine capétien et une nouvelle épouse qu'il avait enlevée au comte d'Anjou. Le roi Philippe s'était marié une première fois et sa première épouse lui avait donné un fils. Longtemps attendu, elle ne pouvait plus en avoir. Et à un certain moment, il décide de se séparer d'elle. Et il l'installe dans ce qui était son douaire, sa dotation, il l'enferme dans le château de Montreuil, et il entend célébrer magnifiquement ses noces avec une autre femme, laquelle était l'épouse du comte d'Anjou, Bertrade de Montfort. Et il agissait finalement comme il était d'usage de le faire traditionnellement dans cette société. Cette société considérait justement pour la défense du patrimoine, pour l'intérêt du lignage, qu'il était fort possible de renvoyer une femme qui n'était pas assez féconde ou qui n'apportait pas assez d'avantages pour en saisir une autre. Malheureusement, les choses ne sont pas très bien passées parce que l'Église, à ce moment-là, était justement au fort de son combat pour établir, disons-le, sa domination sur la société tout entière et pour s'emparer du contrôle absolu, total, exclusif de l'institution clé de la société qu'est le mariage. L'un de ces évêques s'est dressé, l'évêque de Chartres, Yves. Il a dit non, à peu près seul d'abord, puis appuyé par la cour romaine, et l'aboutissement, ce fut cette décision extraordinaire qui fut d'excommunier le roi de France. Et ce qui me paraît assez intéressant, c'est que, d'après les textes, on a l'impression que le motif essentiel de l'excommunication, ça a été moins la bigamie que l'inceste. Voilà, alors c'est ça que je voulais vous demander. On l'a obligé à se séparer de Bertrade de Montfort parce que elle était, non pas sa cousine, mais la femme de son cousin. C'est Jacques Le Goff, Georges Duby, on l'a déjà dit ici, les œuvres de Georges Duby entrent dans la collection de la Pléiade ce mois de septembre. C'est l'inceste qui est poursuivi, qui est le plus grave péché pour l'Église. L'enlèvement de la femme. Oui, enfin les deux, l'idée de façon du remariage était déjà interdite par l'Église. Mais en même temps, il ne faut pas croire que l'Église est la seule manipulatrice, entre guillemets, puisque justement dans cet exemple de mariage, qui est intéressant aussi, c'est que, et ce qu'on connaît moins, c'est que le premier mari de Bertrade était en fait, avait épousé sa femme en... avait été marié précédemment lui aussi. Et il avait épousé Bertrade en annulant son premier mariage pour cause de consanguinité. Donc en fait, c'est une les nobles, eux aussi, utilisent ces règles de l'Église. Il n'y a pas que l'Église qui se sert de ces règles contre la noblesse, il y a aussi la noblesse qui se sert de ces règles pour, en fait, briser ces mariages précédents. Si vous avez lu l'Épître aux Corinthiens de Paul, chapitre 6, savez-vous, Laurent Barry, que celui qui s'unit à la prostituée n'est avec elle qu'un seul corps aussi. Alors, si la fornication, en plus, provoque une sorte de transsubstantation, ça n'en finit plus, quoi. Ah, ça n'en finit plus. Ben, d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de Gratien. On a un exemple tout aussi truculent chez Gratien, puisque savez-vous que une épouse dont le mari est volage et qui la trompe avec une autre femme, cette épouse sera punie par l'Église. On pourrait se dire c'est une victime, et pourtant elle sera punie autant que son mari, tout simplement parce que le mari a été avec une maîtresse, et que en ayant à nouveau des relations sexuelles avec sa propre épouse, il va faire partager ce lit de la maîtresse à son épouse. Et donc la femme, sans le savoir, deviendra d'une certaine façon à la fois adultère et impliqué dans une relation homosexuelle cette fois-ci. Extension indéfinie, embrouillaminie, ces règles ne peuvent pas être tenues pendant des siècles et des siècles. Un désir de sécularisation naît qui va, à partir du XVIIe, XVIIIe, trouver des justifications dans la biologie. Vous citez Laurent Barry dans votre livre sur la parenté, j'ai oublié de dire que c'était dans la collection Folio, chez Gallimard. La découverte du spermatozoïde en 1677 et bien tard après la découverte de l'ovule en 1827. Alors beaucoup d'enfants ont été élevés à la télévision par le dessin animé. Il était une fois la vie dont la musique a été composée par Michel Legrand. La vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie. Des centaines de millions de spermatozoïdes partent à l'assaut. C'est une fantastique course d'obstacles. 1% seulement parmi ceux-là vont franchir la barrière du col de l'utérus. Et la plus grande partie des survivants mourra d'épuisement dans la cavité de l'utérus. Ou encore, sera capturé par les pièges des trompes. Bien peu d'entre eux vont parvenir au voisinage de l'ovule. Youhou ! Ouais ! Voilà la biologie qui va prendre de plus en plus de place, et ensuite la génétique à partir du 19e siècle, Laurent Barry. Oui, absolument. Ben, une fois que les concepts chrétiens seront peu à peu délaissés, pour toute une raison, parce qu'on commence à considérer vraiment l'homme dans la nature en tant qu'espèce plutôt que en tant que création divine. Qu'est-ce qui va rester finalement? Qu'est-ce qui va nous rester? Ben, il va nous rester simplement ce socle naturel entre guillemets de la génération. Les deux parents, les co-auteurs de la génération. Voilà. Et ce qui fait une même chair, c'est Pas grand-chose. Les ascendants et les descendants. Tout à fait. Forcément, si on abandonne le concept chrétien de l'Auna Caro et d'une intervention divine, qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste le lien du père aux enfants, de la mère aux enfants, mais au final, le lien entre les époux n'existe pas véritablement en dehors du moment du mariage ou du moment de la relation. Dites-moi, on a entendu le code civil dont il était dit dans le pré-générique, c'est la parole de Napoléon à Sainte-Hélène, qu'il représentait un équilibre entre les traditions anciennes et les découvertes récentes. Je suivrai pas tout à fait cette idée, dans le sens que il est clair que les lois révolutionnaires de 1792 sont beaucoup plus progressistes que ne sera le code de 1804. En fait, on considère souvent que Napoléon va plutôt opérer un retour en arrière en remettant un certain nombre, notamment d'interdits de mariage, d'incapacité de la femme, etc., dont s'était débarrassé justement l'épisode révolutionnaire. Il faudra en fait tout le 19e siècle pour qu'on revienne vraiment aux conceptions de la Révolution. Les interdits maintenant sont presque tous tombés. On parlait de Claude et d'Agrippine. On peut épouser sa belle-sœur. Si votre épouse meurt, vous pouvez épouser la sœur de votre épouse. Tout à fait. À partir de 1832, on l'a autorisé sous dispense, et actuellement, on peut épouser sa belle-sœur. On peut aussi épouser ce que beaucoup de gens ignorent. On peut épouser sa bru, on peut épouser sa belle-mère. Là, je parle du point de vue masculin, son beau-père, son parâtre, etc. On peut épouser les germains de ses parents, autrement dit ses oncles et tantes, sous autorisation du président de la République. Donc, en fait, désormais, ce qui nous reste, c'est simplement l'école latéraux, c'est-à-dire en fait le frère et la sœur, et puis les parents en ligne directe, c'est-à-dire les ascendants et les descendants. Juste un mot, puisque notre émission s'inscrit dans le début du débat à l'Assemblée nationale, l'Académie de médecine a dit concevoir une naissance sans paternité, c'est une rupture anthropologique. Je ne vous demande pas votre avis sur l'article 1 de la loi, mais qu'est-ce que c'est une rupture anthropologique, monsieur l'anthropologue ? J'aimerais bien le savoir. Si dans le domaine de la parenté, si on voulait véritablement envisager une rupture anthropologique possible, ça serait le clonage. Mais l'effacement de la figure paternelle existe dans beaucoup de sociétés. Donc, à mon sens, je vois pas ça comme effectivement comme une rupture anthropologique. En tout cas, tel que qu'on le conçoit dans les changements actuels. Mais d'autres disent, on abandonne la biologie au profit de la seule considération pour le projet parental. Oui, et de toute façon, la biologie, c'était juste notre manière d'exprimer la parenté actuellement. C'était pas une conception scientifique non plus. La parenté, ça n'a jamais été la biologie, ça ne sera jamais la biologie. C'est un concept juridique. La parenté, c'est une question de volonté. Aussi bien de la mère que du père, et dans ces cas-là, que du père, ou d'une seconde mère, ou d'un second père, etc. Et dans ces cas-là, la biologie n'a rien à voir. Merci à vous, Laurent Barry. Demain, une sociologue qui vient souvent à votre séminaire, c'est Martine Ségalène. L'émission a été préparée par Aurore Juvenel, Ilinka Negulesco, Franck Olivard, Frédéric Martin. La réalisation, Juliette Gou.